Stapakun L'arbre de la vie. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, dans une forêt lointaine, un petit arbre qui venait de naître. La vie avait coulé dans les racines, à travers la profondeur de la terre. Il était petit, mais ses racines étaient profondes. Le troisième jour, le vent vint lui tenir compagnie, afin de lui raconter ses voyages dans le grand monde. Et comme le vent disait si bien, le petit arbre pouvait voyager lui aussi. Mais il s'imaginait la vie tout autrement, car là où il se trouvait, il était à l'abri de la destruction. Le cinquième jour, la pluie vint chatouiller son feuillage. Elle lui raconta que là d'où elle venait, le monde était petit, tout comme lui. Le petit arbre pensa à tout cela. Alors passèrent plusieurs jours sans que personne vint le voir. Pendant tout ce temps, il y avait quand même le soleil qui réchauffait la terre et ses racines. Le petit arbre prit le temps pour le remercier en faisant présent de son plus beau feuillage. Puisque l'automne s'était installé, la pluie et le vent vinrent le voir à tous les jours pendant 7 jours. Ils ne cessèrent de lui raconter comment le grand monde se portait. Alors le petit arbre s'imaginait bien que derrière les montagnes se trouvait la vie. Il pensa à tout cela. Un jour que le silence capturait les lieux et que la blancheur occupait tout l'espace, le vent du nord vint lui donner une leçon. Il lui apprit comment regarder autour de lui, que le soleil se pointe à l'aube pour éclairer et pour réchauffer la terre, et lorsqu'il disparaissait devant nos yeux, c'était pour poursuivre son travail dans le grand monde. Après plusieurs années à passer son temps avec la pluie, le vent et le soleil, il décida d'aller dans le grand monde. Il y avait des arbres immenses qui lui cachaient la pluie, le vent et le soleil. Et ses racines n'étaient pas aussi profondes, puisqu'il était entouré du grand monde qui prenait toute la place. Ne pouvant plus respirer l'air pur des montagnes, ne pouvant plus admirer dans le silence le coucher du soleil, il fit une prière dans son cœur, s'adressant au grand esprit. « Prends ma vie, mais ne cache pas le soleil qui réchauffe la terre. Prends mes couleurs, mais ne gâche pas la pluie qui arrose mon cœur d'amour. Prends mes racines, mais n'étouffe pas le vent qui fait chanter le silence. » Il ferma ses yeux et il pouvait sentir la chaleur du soleil, la caresse du vent, la musique de la pluie. Et il pleura pour la première fois. Il arrosa ainsi ses racines plus profondes que la vie.